طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام صاحب البيقونية قال الحديث الصحيح. قال الناظم عليه رحمة الله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نقل الإمام البيقوني il va évoquer qu'est-ce que le hadith qu'on appelle hadith sahih. Qu'est-ce que le hadith qu'on appelle hadith sahih? طيب. Donc il dit أولها الصحيح. أولها من ماذا؟ Lorsqu'il commence en disant أولها من ماذا يا أبا زكريا؟ أولها الصحيح. أي نعم. أولها من أقسام الحديث. نعم. قال أولها أي أول أقسام علوم الحديث الصحيح. طيب والصحيح في اللغة ضد المكسور. الصحيح في اللغة سي le contraire d'une chose cassée, brisée. Selon la langue arabe, le sahih, c'est ضد المكسور والسقيم, chose malade. Tamam. Ça, c'est في اللغة. Chose malade. Ouais, malade. طيب. Ça, c'est en langue arabe. وَاسْتِلَاحًا هُوَ مَا اتَّصَلَ. Et ça, c'est à noter, ça. Belle, c'est à apprendre par cœur. Lorsqu'on te demande un hadith sahih, مَا هُوَ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ. هُوَ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامَ الضَّبْطِ عَنْ مِثْلِهِ وَلَا يَكُونُ شاذًا أو معللا. Donc c'est c'est le hadith dont la chaîne de transmission est liée du début à sa fin. Il n'y a pas d'interruption. Et que chacune des personnes qui rapporte, chacune des personnes de la chaîne de transmission est qualifiée comme étant de confiance. Est qualifiée comme étant de confiance et dotée d'une excellente mémorisation. Est dotée d'une excellente mémorisation. Et qui n'est. Alaykoum salam. Et aussi qui ne comprend pas de illah, on qualifiera ça comme de défaut caché. Qui ne comprend pas de défaut caché. Ouais, comment on traduirait le mot shad? Chad. Ah, bon. Chad, c'est contradiction. Voilà. On dira contradiction. Hein? C'est plus contradiction. Tamam. Fa hadha huwa al-hadith as-sahih. Hein? Et qu'il n'y a pas de contradiction. Mais Djibril, avant ça, tu avais dit une phrase. Tout est faux caché, c'est le stagiaire. Ah, des faux cachés, ça va venir. Tout ça, non, c'est pas tout. Ça, mais avant tout ça, là, tu avais dit quelque chose, non? Tu avais pas traduit. T'avais dit quelque chose? Allah alam. C'est طيب فجمع هذا التعريف شروطا للحديث الصحيح كالتالي donc cette définition là elle regroupe les conditions pour qu'on dise qu'un hadith il est sahih. Elle regroupe les conditions pour qu'on dise qu'un hadith il est sahih. C'est quoi la première des conditions? Aywa, ittisal al-sanad. Ittisal al-sanad. Que la chaîne de transmission soit liée. Tamam. Hada, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, que chaque personne soit qualifiée de confiance, comme étant une personne de confiance. Ahsan ti riyad. Tayyib. Thalithan, le troisième des shurut. Voilà, que chacune des personnes du Sénat, elle soit qualifiée comme étant ou comme ayant une excellente mémorisation. Je vais donner un exemple. Si par exemple tu as une chaîne de transmission, on va dire Mohamed qui rapporte de Bilal, qui rapporte de Haroun, tamam, qui rapporte de Ismail. Ismail, c'est un adl, tam al-tab. Qui a une très bonne mémorisation. Quelqu'un de confiance qui a une très bonne mémorisation. Haroun, c'est pareil. On va dire Haroun, il est de confiance, mais sa mémorisation, elle est pas forte. Tamam. Et Bilal, sa mémorisation, elle est forte, ainsi que Mohamed. Le hadith là, ce sera un hadith sahih? Ce ne sera pas un hadith sahih. Ce ne sera pas un hadith sahih. Pourquoi? Parce que l'une de ces personnes, l'une des personnes qui se trouve dans la chaîne de transmission, elle n'est pas qualifiée comme étant, comme ayant une excellente mémorisation. Ce n'est pas tous les imams qui respectent ces conditions-là. Est-ce que vraiment tous les imams respectent ces conditions? Non, tous les imams respectent ces conditions-là. Le hadith sahih, hadahu. Ça, c'est le hadith sahih. Tamam. Il n'y a pas de khilaf. Le hadith sahih, c'est bel et bien ce qui est évoqué là. C'est juste un truc contesté. Voilà, ça veut dire qu'il passe à Hassan, direct. Si toutefois, par exemple, là, on dit Sadour. Tu vois, on va dire Yani Mada Lahu Awham. Il a des oublis. Tu vois, si quelqu'un, un imam, il dit Fulan, il a des oublis, khalas. Le hadith, il est plus sahih. Il passe à Hassan. Et si il est qualifié par autre que le fait qu'il mémorise ou quoi, alors là, le hadith, il peut être daif. Tamam. Si un imam, il critique le rapporteur et un autre fait son éloge, il prend la critique ou il prend l'éloge? Hada, ça va venir. Mao Wakto. Ça va venir. Ça, c'est une masala kabira. Kabira. Masalat. Yani. Al-jarh. Muqaddam ala. Ta'dil. Masala. Tawila, arida. Ala kulli hal, le shahid, c'est que c'est pas une masala d'une manière globale. Tamam. Apprendre d'une manière globale. Sah, an al-jarh, yuqaddam ala ta'dil. في الغالب لكن وجد بعد الاستثنائيات il y a eu des exceptions faites, c'est-à-dire normalement à la base, parmi les bases qu'ont évoqué les gens du mustalah al-hadith, c'est que le jarh, la critique, elle prévaut sur l'éloge, mais c'est pas une chose c'est pas d'une manière absolue. Tamam. Wa yani, pourquoi tu vas trouver un savant Par exemple, Cheikh Al-Albani, il va dire ouais, le hadith il est sahih. Pourquoi tu vas trouver Cheikh Mourbil, il va dire non, le hadith il est daïf. Par rapport à ce qu'il a fait. C'est-à-dire, lui, il va voir que les savants, la plupart des savants, ils disent que Fulan, tam al-dabt, ou Fulan, adl, Fulan. Et lui, il va trouver un hadith, ou il va trouver une parole d'un imam qui dit le contraire. Taïb, ou hakada. Al-Muhim, il y a un livre, si Allah il facilite qu'on puisse le faire, c'est qui s'appelle Dawabit al-Jarh wa al-Ta'dil, la réglementation du Jarh wa al-Ta'dil. Et si Allah il facilite, on verra cette masala approfondie dans ce livre-là. Voilà, on termine juste l'évocation des shurut. Donc on a dit tam al-dabt, il faut que sa mémorisation elle soit parfaite. Ouais, troisième condition, que sa mémorisation soit parfaite. Quatrième condition, Adam Shudud. Adam Shudud, on a traduit Shudud par contradiction. Je vous explique en vite fait, c'est quoi quelque chose de chad. Par exemple, là, moi je suis tombé sur la main. Toute la mosquée, ils m'ont vu, ils ont vu que je suis tombé sur la main gauche. Ta main. Demain, il y a Ismail qui vient et qui dit qu'il est tombé sur la main droite. Là, il a contredit l'avis ou la vision de tous les gens de la mosquée. Ça s'appelle Shad. Shad Abihi Ismail. Donc, c'est une contradiction. Donc, le hadith, là, même si là, toutes les chaînes de transmission qui remontent à Ismail, c'est tous des thiqa, c'est tous des huffaz. Hein? Et la chaîne de transmission, elle est bien liée. Le hadith il est daïf, pourquoi? Parce que c'est une contradiction. Tamam. Et le dernier shart, وبهن انتهي, et avec cela on termine le dars. Adam al-illa. Adam al-illa. Al-illa c'est un défaut caché. Et ça va venir dans le dars de demain, mais inchallah on l'explique là en deux mots. Le défaut caché, ça peut être, maintenant je vous donne un exemple. Moi je rapporte un hadith. Et je dis Haddathani Ismail An Moussa An Hamza. Taïb. Moi quand je dis An Hamza, je veux dire Hamza Abu Abdurrahman. Et celui qui va venir, il va croire que c'est Mada, il va croire que c'est Abu Yusuf. Tamam. Là il y a un défaut. C'est quoi le défaut? C'est qu'il y a une confusion dans le nom. Tamam. Et l'un des deux, il est faible. Donc si on applique le hadith sur celui qui est... Si le but visé, c'est celui qui est faible, alors le hadith sera faible. Mais faut... Al-Muhim, ça viendra demain, Inch'Allah. Voilà, il rapporte que le prénom. Tamam. Et ça, c'est pour ça que les gens du hadith, ils vont chercher dans les livres, les livres anciens qui parlent de c'est qui un tel. C'est pour ça que tu vas trouver les aïmas quand tu viens pour sahir un hadith, ils regardent est-ce qu'un tel, il a écouté d'un tel. Tamam. Wa kada wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.